tous enfants d'une poussière, fruits d'un soleil. Nos empreintes sur cette terre sont encore qu'un mystère, c'est pourquoi gardons l'esprit ouvert pour ne pas se limiter aux vérités mensongères. Dans nos gènes, une addition parfois fausse, c'est à nous de faire le tri et de l'offrir aux plus petits. Croire en l'utopie pour ne pas oublier que d'un rêve peut naître la plus belle des réalités. Concret ancré dans les mœurs, tout ce qui est abstrait nous fait peur. On s'obstine à ne pas penser spiritualité, illusion d'un monde où il faut voir pour croire et ne pas croire pour voir. Par contre, ça oui, le matériel bien palpable paraît beaucoup plus domptable qu'un esprit libre sans comptable. L'individualisme prend le dessus, seule réponse capitaliste qui donne peu de chance au dernier de liste. Non, je vous assure, il faut réagir. Vous savez tout comme moi que notre espèce est en froid. Vous savez tout comme moi, notre espèce est en froid. Notre direction, un dévouement, une mission, participer à l'évolution en faisant preuve de réflexion. Être vigilant, ne pas se laisser manipuler par cette poignée d'hommes condamnés par la connerie à perpétuité. Il est grand temps, faisons appel à notre conscience pour ces quelques instants qui font que notre passage a un sens. Pour ces quelques instants qui font que ton passage a un sens. Les hommes se sont dévoués pendant de nombreuses années pour dompter l'horreur qui a fini par s'estomper. Nous sommes en l'an 3000, 4000 ou 5789. Je ne sais même plus, peu importe, le temps n'est pour nous qu'un repère. Nous avons baissé les armes, laissé parler nos âmes. Équilibre atteint pour un jardin d'Éden où l'harmonie des éléments est devenue notre raison d'être. Plus de mal-être, plus de paraître, et cela grâce aux ancêtres. Le chemin fut épique pour arriver à l'éthique. Les reflets de nos paysages sont les témoins d'un monde sage. Ce qui est fou, c'est que pour arriver au bonheur, il aura fallu ce mal dévastateur qui témoigne du paradoxe de l'évolution et de l'ambiguïté qu'il existe entre l'instinct et la conscience. Pas de bien sans mal, pas de quête sans Graal. Le mal existe dans notre histoire, il est gravé dans nos mémoires. Notre direction, un dévouement, une mission. Participer à l'évolution en faisant preuve de réflexion. Être vigilant, ne pas se laisser manipuler par cette poignée d'hommes condamnés par la connerie à perpétuité. Il est grand temps, faisons appel à notre conscience pour ces quelques instants qui feront que notre passage a un sens. Pour ces quelques instants qui feront que ton passage a un sens. Notre direction, un dévouement, une mission. Participer à l'évolution en faisant preuve de réflexion. Être vigilant, ne pas se laisser manipuler par cette poignée d'hommes condamnés par la connerie à perpétuité. Il est grand temps, faisons appel à notre conscience pour ces quelques instants qui feront que ton passage a un sens. Pour ces quelques instants qui feront que notre passage a un sens.